d'un truisme de mon cœur. Elle avait les yeux du destin. Ressemblait-elle à mon bonheur? Ou ressemblait-elle à mon âme? Je l'ai cueillie, elle était femme. Avec un nez rose comme fleur. Elle a changé mon univers. Ma vie en fut tout enchantée. La poésie chantait dans l'air. J'avais une maison de poupée. Et dans mon cœur brûlait ma flamme. Tout était beau, tout était femme. Femme. Avec un œuf magique comme fée. Elle m'enchaînait 100 fois par jour au doux poteau de sa tendresse. Mes chaînes étaient dressées d'amour. J'étais martyr de ses caresses. J'étais heureux, étais-je infâme? Mais je l'aimais, elle était femme. Un jour, l'oiseau timide et frais vint me parler de liberté. Elle lui arracha les ailes. L'oiseau mourut avec l'été. Et ce jour-là, ce fut le drame. Et malgré tout, elle était femme. Mais femme. Avec un F tout gris, fatalité. De la vérité, il y avait une femme et un enfant. Cet enfant que j'étais resté contre la vie, contre le temps. Je me suis blotti dans mon âme et j'ai compris. Elle était femme, mais femme. Avec un F, elle est foutre le camp.